Xi Jinping, président chinois, a fait parvenir le 1er juillet un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a adressé sincèrement les félicitations chaleureuses au camarade Kim Jong-un, élu président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, lors de la 4e session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême. Il a souhaité sincèrement de nouveaux succès continus au peuple coréen dans divers domaines pour l'édification et le développement de l'État sous la direction du Parti du Travail de Corée conduit par le maréchal Kim Jong-un. Ensuite, il a indiqué que l'amitié sino-coréenne est la richesse précieuse commune de deux pays et que la Chine est prête à développer sans cesse les relations traditionnelles d'amitié et de coopération avec la Corée pour le bien-être de deux peuples et de deux pays. Finalement, il a souhaité la prospérité à la République populaire démocratique de Corée et le bonheur et la sécurité au peuple coréen.